Banda toye banane kala sezola mon ami. Mon ami mon ami a commandé banda a changé modèle. Nani makite on a na kondimanga yo zambe na lapi. Pourtant, basi kitoko batondi kisasa olingi se yangai. Bola munyoso oyangai na sala yo zambe soka na bokola banda. Oye oye lelo banda ayebani sezola mon ami. Mama munwe, mama munwe, nakamwe kindoki mama. Soka na zala kanambanda toye banane kala sezola mon ami. Mon ami, mon ami a commandé banda a changé modèle. Oye pignon soto kola esika moko, vraiment mon ami. Pourtant, il a manga na pesa kayon zambe bona amitié. To umeli to bandi peba célibataire moula libwa. Zambe, lelo na poni oyo na lingaka, boya li balai. Kaka yo e, mon ami o baluke lingai, oko mi manda nangai. Mama munwe, mama munwe, seli bichu, nakamwe kindoki mama. Zoka na zala kanamba na toye banande kala, sezola mon ami. Mon ami e, mon ami a commandé banda, a changé modèle. C'est pas possible pourtant tu es mon ami, que Dieu te pardonne. C'est qu'elle est nanganyo son apesa na yon zambé. Zoka na mite ki na banda. Oye oye mon banda se zola mon ami. Quelle surprise. Mama munwe, mama munwe. Papango mai nakamwe kindoki mama. Zoka na zala kana banda toye banande kala se zola mon ami. Mon ami eh, mon ami a commandé banda a changé modèle. Yo, cariño, ¿no?